Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Il y aura bientôt 2 siècles, mourait en France à Calais une des femmes les plus extraordinaires du XVIIIe siècle. Franck Ferrand nous raconte aujourd'hui le destin inouï de Lady Hamilton. Bonjour Franck. Bonjour Olivia, bonjour à tous. J'ai demandé à Evelyne Levert de nous rejoindre aujourd'hui pour évoquer la vie incomparable de la belle Emma, ou comment une jolie fille de mauvaise vie va devenir, grâce à sa beauté bien sûr, mais aussi à son intelligence, l'amie de cœur de la reine de Naples, la compagne de l'amiral Nelson. Une vie romanesque en diable, racontée par Flora Fraser dans un bel ouvrage, Beloved Emma, dont on attend toujours la traduction à l'heure où je vous parle. Et à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Cédric sur les origines de Marianne, l'allégorie de notre République. Et oui, Marianne, dont le dernier modèle en date est Sophie Marceau, si je ne m'abuse. Autant dire que de très belles femmes sont au cœur de notre émission d'aujourd'hui. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Elle aura été tout simplement la plus belle femme de son temps. Le temps en question, c'est celui, grosso modo, de la Révolution française. C'est-à-dire quand le goût était à l'antique et aux beautés gréco-romaines. Or, précisément, la nature avait doté cette jeune femme d'un corps de statue grecque et d'un visage qui, lui aussi, semblait celui d'une divinité de l'Attique. Alors, vous allez me dire, d'où venait-elle, cette statue vivante, cette déesse incarnée en femme? Était-elle née princesse des Balkans? Eh bien, pas du tout. Emmy Lyons, c'était son vrai nom. Emmy Lyons était née dans une famille misérable de Hawarden, au Pays de Galles. Son père, Henry, était forgeron. Il meurt en 1765. La veuve, la mère d'Emmy, est une femme de charge, parmi les plus modestes. Elle n'a pas les ressources nécessaires pour nourrir seule son enfant. Voilà pourquoi on voit cette fillette, dès l'âge de 6 ou 7 ans, courir les rues de Hawarden pour y vendre des petits sacs de charbon. Pas étonnant que très jeune, elle n'a même pas 14 ans, la grisette aille tenter sa chance à Londres, où on la voit faire 36 métiers, nous y reviendrons. C'est là, sabots aux pieds, qu'elle est remarquée par un très haut personnage, le prince de Galles en personne, que la beauté de la jeune fille laisse sans voix. Il faut vous dire qu'elle a quand même d'abord un corps divin, je vous l'ai dit, un visage parfaitement régulier, des yeux très bleus, sublimes, une bouche petite, charnue, bien faite, avec un sourire angélique, le visage ovale, encadré de longues boucles auburn, et avec cela un naturel, enjoué, spirituel, peu farouche, disons-le. Les amants d'Emmy vont se succéder. Parmi eux, un marin de grande réputation, le capitaine de vaisseau Payne, qui deviendra l'amiral Payne. Leur liaison ne sera pas sans effet, puisqu'Emmy met bientôt au monde une petite fille, un bébé qu'elle va devoir confier à ses grands-parents. Et bientôt, elle devient la protégée d'un baronnet, Sir Harry Featherstonehaugh, protection bien précaire, puisque lui aussi l'abandonne. Nous sommes alors en 1781. Emmy et fille-mère. Elle est sans le sou. Vous voyez la situation d'une jeune fille pour cette époque. Elle doit retourner au Pays de Galles, mais elle ne cesse d'entretenir une correspondance suivie avec ses amis de Londres. Et parmi eux, un jeune aristocrate en vue, Charles Francis Greville. Emmy lui écrit « Mon cher Greville, croyez-moi, je suis en ce moment sans dessus-dessous. Je n'ai jamais reçu de nouvelles de Sir H. Pour l'amour de Dieu, J, donc Greville, écrivez-moi à la minute précise où vous recevez ceci et dites-moi seulement ce qui me reste à faire. J'en suis à moitié folle. Oh, pour l'amour de Dieu, dites-moi ce que je puis devenir. Oh, cher Greville, écrivez-moi. » Et Greville écrit. Il propose à Emmy, qu'il appelle Emily, de le rejoindre. La jeune fille accourt à Londres, se jette dans les bras de son sauveur, accepte sans hésiter les conditions d'une sorte de traité qu'il lui propose, car Greville, s'il est criblé de dettes et ne travaille guère pour s'en sortir, Greville possède au moins une qualité, il a une espèce de clairvoyance qui lui permet de détecter dans certains êtres l'étincelle du génie. Charles va donc passer un marché tacite avec la belle Emily. Elle accepte de faire tout ce qu'il lui conseille et lui, il la sortira de sa triste situation. Il prend donc la carrière de la jeune femme en main. Emma, puisqu'il l'a rebaptisée, c'est plus Emmy, Emma, c'est déjà nettement plus chic. Emma reçoit les leçons de musique des meilleurs maîtres, mais aussi des leçons de chant, de belles lettres. On lui donne une gouvernante qui n'est autre que sa mère, Mrs. Lyon, rebaptisée pour l'occasion Mrs. Cadogan, c'est quand même plus présentable. Quant à Emma elle-même, elle devient Mrs. Hart. Et ça marche. En quelques semaines seulement, Mrs. Emma Hart retrouve d'abord le respect d'elle-même, sans doute, et puis la bienveillance des autres. C'est généralement lié, ces deux choses-là. Elle était perdue de reconnaissance et elle sent de plus en plus monter en elle une sorte de passion pour Greville. Autant dire que c'est un amour à sens unique. Mais Charles se dit qu'il a fait un bon investissement, dette pour dette, autant que ça serve. Il l'a fait habiller par les meilleures couturières, lui donne l'apparence d'une jeune lady et pour se rembourser un peu de la dépense, il lui demande de poser pour quelques artistes, notamment pour un fameux peintre, Romney, on y reviendra tout à l'heure, qui va brosser d'elle 24 portraits censés représenter diverses divinités de l'Olympe. Or, voilà que justement, un grand amateur d'antiquités classiques qui est aussi un distingué vulcanologue, Sir William Hamilton, c'est l'ambassadeur de Grande-Bretagne à Naples, Hamilton séjourne à Londres en ce moment. Or, Sir William n'est autre que l'oncle de Charles Greville. Bien sûr, il croise Mrs. Hart chez son neveu et bien sûr, il tombe en arrêt devant cette beauté grecque. « De ma vie de collectionneur, écrira-t-il à un ami, je n'ai jamais rencontré d'objet d'art plus précieux. Il n'y a dans l'art antique aucune création si parfaite que cette jeune femme. » Charles sourit, une idée lui vient. C'est fou ce que ce jeune homme peut avoir comme idée, n'est-ce pas? Il se dit qu'en jetant Emma dans les bras du tonton, il fera d'une pierre deux coups. Non seulement il sera débarrassé d'une amoureuse inépousable, mais en plus, il empêchera son oncle de se remarier et, ce faisant, de mettre en danger son cher héritage. Reste à convaincre Emma de quitter Londres pour Naples. Charles suggère à son oncle de l'inviter sous prétexte de compléter sa formation artistique. Évidemment, l'ambassadeur accepte d'enthousiasme. Il faut encore convaincre Emma d'accepter de quitter celui dont elle est amoureuse, car pour le moment, elle submerge Greville de lettres comme celle-ci. « Nous nous sommes quittés il y a une semaine. Il me semble qu'il y a un siècle que je ne vous ai vu. Des années que je n'ai entendu parler de vous. » Vous voyez que tout de suite, son style s'est quand même amélioré. « Oh, Greville, quand je pense à toute votre bonté, votre tendre bienveillance, mon cœur est si plein de reconnaissance que les mots me manquent pour l'exprimer. » Pour convaincre Emma de partir, il va donc falloir que Greville lui promette de la rejoindre dès que possible. En même temps, le neveu adresse à son oncle des nouvelles rassurantes. « On ne constate plus chez elle ses allures excentriques, écrit-il. Elle subordonne tout au désir de paraître comme il faut. Ce n'est pas l'intérêt qui la guide, mais la bonté, et elle sait apprécier l'intention dans les faveurs qu'on lui prodigue. » N'est-ce pas bien dit? Je vous ai dit que Sir William aimait les beautés et les volcans. Autant vous dire qu'il va être servi sur les deux tableaux. Elle n'est pas venue facilement, Emma. Elle s'est même longtemps fait prier. L'idée de quitter le jeune homme dont elle est amoureuse pour aller contempler des vieilles pierres à l'autre bout de l'Europe ne l'emballait pas vraiment. Néanmoins, tirée d'un côté, poussée de l'autre, elle a fini par céder, emportant naturellement Mrs. Cadogan dans ses bagages, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle ne va pas le regretter, car ce qui l'attend là-bas, en Italie, est proprement paradisiaque. En son honneur, Sir William Hamilton a fait préparer le plus somptueux des appartements du richissime palais Cessa, qui est la résidence de l'ambassadeur d'Angleterre et l'écrin de fantastiques collections. Et au-delà du cadre, il faut imaginer le personnel de cette ambassade, personnel pléthorique, le grand service à l'anglaise, la table incomparable, les soirées à couper le souffle. Emma va se faire à tout ça très vite et elle échange souvent avec la pseudo Mrs. Cadogan des regards incrédules et complices. Or, sous l'égide, comment dire, paternelle, chaudement paternelle de Sir William, il va se produire chez elle un phénomène extraordinaire. Naples, avec son atmosphère envoûtante, son cadre déjà romantique, Naples avec ses chants et ses danses, va faire éclore en cette jeune femme des dons jusque-là cachés. Voici ce que Goethe en personne, alors de passage à Naples, dit d'elle. C'est une Anglaise de 20 ans, elle est très belle et bien faite. On lui a fait faire un costume grec qui lui sied à merveille. Elle laisse flotter ses cheveux, prend un châle et varie tellement ses attitudes, ses gestes, son expression qu'à la fin l'on croit rêver tout de bon. Ce que 1000 artistes seraient heureux de produire, on le voit ici accompli en mouvement avec une diversité surprenante. À genoux, debout, assise, couchée, sérieuse, triste, lutine, exaltée, repentie, séduisante, menaçante, inquiète, une expression succède à l'autre et en découle. Elle s'est adaptée à chaque expression les plis du voile, les modifier et fait 100 coiffures diverses avec les mêmes tissus. C'est cela le secret d'Emma, ces poses qu'elle se met à prendre, d'abord par jeu puis par souci de plaire, et qui vont faire bientôt sa célébrité, que dis-je, sa gloire et la gloire du palais. C'est ça, on appelle cela les attitudes d'Emma. C'était l'adagio du concerto numéro 23 de Mozart sur Europe 1. Et nous retrouvons tout de suite Franck Ferrand qui nous raconte aujourd'hui le destin inouï de Lady Hamilton. Elle vient de se trouver un talent, cette Lady Hamilton. Enfin, elle n'est pas encore Lady Hamilton pour l'instant. Elle n'est encore que Emma Lyons. Elle s'est trouvé un talent, c'est celui du mime. Vous avez bien compris, c'est un vrai génie dans le genre. Et quand elle redescend sur Terre, si je puis dire, retombe instantanément, comment pourrais-je dire, dans quelque chose d'un peu ordinaire, pour ne pas dire même un peu vulgaire. C'est Cendrillon et sa citrouille, si vous voulez. Toutes ces grandes dames de Naples qui, une minute plus tôt, criaient au génie, quand Mrs. Hart, puisque voilà son nom, revient s'asseoir à table, lève les yeux au ciel et se jure bien de surtout songer à ne pas l'inviter. Au fond, Emma s'en moque un peu. Elle est amoureuse. Elle attend son Greville. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que lui n'est pas pressé de son côté. Alors elle le couvre de lettres qui presque toujours restent sans réponse jusqu'au jour où Emma comprend. Ça lui est venu comme un éclair. Elle a compris que Greville l'avait plus ou moins vendu à son oncle, si j'ose dire. Ne lui a-t-il pas, dans une lettre qui d'ailleurs lui a fait très mal, conseillé de céder aux avances de plus en plus pressantes de l'ambassadeur? Emma réagit. Ne comptez pas sur moi pour devenir la maîtresse de Sir William. Par contre, je vous jure que si vous continuez à m'ignorer, je l'épouserai. Ah! Cette fois, Greville prend peur. Lui connaît le passé d'Emma et son secret de fille-mère. Que son oncle épouse cette créature, et c'est la réputation de la famille qui est morte, pire, c'est l'héritage qui risque de s'envoler. Greville essaie à présent de mettre son oncle en garde. Vaine démarche, Lord Hamilton va finir par demander Mrs. Hart en mariage. Oh, Emma se fait un peu prier pour la forme et elle savoure la torture qu'elle inflige à distance à Greville. « Toute mon ambition est de rendre heureux Lord Hamilton. « Hamilton, lui écrit-elle, je vous estimerai toujours pour l'affection que vous portez à Sir William et pour le rôle d'intermédiaire que vous avez joué, grâce auquel il m'a été permis de le connaître. Je ne puis plus aimer personne d'autre que lui. Cet aveu vous rendra heureux, je le sais. » Vous voyez qu'elle est quand même un peu perverse, notre Emma, quand elle le souhaite. Comme Hamilton est ambassadeur, il doit quand même recueillir l'assentiment du roi. C'est l'occasion d'un voyage à Londres, alors Emma se verrait bien organiser le mariage en Angleterre. Et contre toute attente, la bonne société londonienne lui fait un accueil chaleureux. Après tout, elle est la future ambassadrice. Voici ce qu'écrit le très sévère Horace Walpole. « J'avais seulement entendu parler de ses attitudes. Oh, mais c'est qu'elle chante à merveille aussi, possède une voix belle et forte, excelle dans le bouffe et se montre surprenante tragédienne. » Bref, c'est ainsi que le 6 septembre 1791, dans la petite église de Marylebone, Amy Lyons, alias Emma Hart, orpheline d'un forgeron misérable, ancienne catin de Londres, devient la très honorable Lady Hamilton, ambassadrice de sa gracieuse majesté. Le retour à Naples prend des allures de triomphe pour Emma. Sir William, sur le chemin du retour, a décidé en effet de s'arrêter à Paris, où il est reçu avec sa nouvelle épouse, semble-t-il. On verra ça tout à l'heure avec Evelyne Levert, évidemment. Ils sont reçus par Louis XVI et Marie-Antoinette, qui sont plus ou moins reclus aux Tuileries à l'époque. On est après la fuite à Varennes. La reine de France en profite pour confier à l'ambassadrice une lettre pour sa chère sœur Marie-Caroline, reine de Naples. Comme laissée passer pour la cour napolitaine, vous avouerez que le destin ne pouvait guère trouver mieux. Non seulement Marie-Caroline va se montrer pleine d'égards pour cette Lady Hamilton qui vient de rencontrer sa pauvre sœur à Paris, mais de plus, elle la trouve très belle, ça va sans dire, mais très gentille, très naturelle. Voilà comment Lady Hamilton va devenir en peu de temps la favorite de la reine en personne. Nous allons y venir tout à l'heure. À présent, Emma est libre de mener à Naples la vie mondaine dont elle avait toujours rêvé, et vous pouvez lui faire confiance pour ne se priver de rien. Son ambassadeur de Marie se montre généreux avec elle. Il va jusqu'à lui faire construire dans le site enchanteur de Posilippe une villa idyllique avec terrasses et jardins suspendus, des murs bleus, des toits roses vifs, un rêve sur terre où les plus illustres voyageurs se feront désormais une joie d'être invités. Un soir, au palais Cessa, Sir William annonce à son épouse adorée qu'il va lui présenter un jeune homme pas très beau, pas très brillant, mais dont il est certain qu'il deviendra un jour un grand homme. Le visiteur ainsi annoncé, c'est l'amiral Nelson qui vient de mouiller en baie de Naples à la tête d'une escadre anglaise. Alors que vient faire Nelson dans ces contrées méridionales? Eh bien, les monarchies d'Europe à cette époque sont en guerre contre la République française, évidemment, qui de son côté est en train de vouloir tuer l'ancien monde. En maîtresse de maison irréprochable, Emma fait bon accueil à cet amiral d'apparence peu attrayante. C'est vrai, il lui manque un bras d'abord, son visage est émacié, il a les cheveux dégarnis. En revanche, un feu étrange brille dans son regard quand il salue Lady Hamilton. Je ne sais pas si l'expression « coup de foudre » est adéquate, il me semble que oui en l'occurrence. En 1796, l'armée de Bonaparte envahit l'Italie du Nord et, volant de victoire en victoire, descend dangereusement la péninsule en direction de Naples. Pour sauver son royaume, le roi Ferdinand, qui est Bourbon d'Espagne, va devoir traiter secrètement avec ce général républicain. La reine, son épouse, est outrée, elle favorise autant qu'elle peut les relations avec l'Angleterre et Emma, naturellement, lui sert de traductrice, de confidente, à l'occasion de conseillère. En mai 1798, Nelson, qui est venu attaquer la flotte de Bonaparte en Égypte, remporte la brillante victoire d'Aboukir. Il y perd encore un œil, mais il y gagne la gloire. À Naples notamment, il est considéré comme un grand héros. Il est devenu l'égal d'Alexandre, de César. Lady Hamilton est aux anges. Elle lui adresse une lettre dont on peut dire déjà qu'elle est énamourée. « Mon cher, cher sœur, écrit-elle, comment vais-je commencer? Que vais-je vous dire? Il m'est impossible d'écrire car depuis lundi je délire de joie. Grand Dieu, mais quelle victoire! Jamais au grand jamais, il ne s'est passé un événement à moitié aussi glorieux et aussi complet. Je me suis évanoui quand j'ai appris cette glorieuse nouvelle. Je suis tombé sur le côté et je me suis blessé, mais maintenant je suis guéri. Je considérerais comme glorieux de mourir en une pareille circonstance, mais non, je ne voudrais pas mourir avant d'avoir vu et embrasser le grand vainqueur du Nil. » Elle sait y faire. Hein. Le grand vainqueur du Nil, elle le connaît personnellement, elle le loge même chez elle. Et quand il rentre enfin à son port d'attache, dans la barque pavoisée du roi et de la reine, son mari n'est-il pas après tout ambassadeur d'Angleterre, elle est la première à rejoindre le vaisseau amiral pour aller sauter au cou du pauvre Nelson qui vacille un peu sous l'assaut. Il faut vous dire que depuis quelque temps, Lady Hamilton a pris quand même un peu de poids. Horatio, c'est son prénom, va passer des semaines bien agréables en compagnie des Hamilton. Emma, de son côté, est bien forcée de se l'avouer. Elle est devenue folle amoureuse de Nelson. Or, l'amiral, de son côté, éprouve lui aussi pour la divine Lady des sentiments assez brûlants. Ce qui est en train de naître sous nos yeux incrédules, c'est une des plus grandes liaisons de ce temps. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Au cœur de l'histoire continue jusqu'à 15h sur Europe 1. Nous retrouvons tout de suite Franck Ferrand pour la suite du destin incroyable de Lady Hamilton. Alors ce qui sidère les contemporains, c'est le flegme avec lequel Lord Hamilton prend la liaison entre sa femme et l'amiral Nelson. Il faut vous dire que Sir William est un vieux monsieur maintenant. Il se montre plus que jamais adepte d'un certain stoïcisme. Et comme le principe d'une séparation lui est sans doute plus désagréable que l'idée d'un accommodement, eh bien il laisse passer son tempérament de diplomate en avant. Il s'accommode, si j'ose dire, de la situation. Situation rendue d'autant plus difficile que les troupes françaises de Championnet marchent maintenant sur Naples. Il faut fuir en pleine nuit avec la cour sur les navires de Nelson. Le roi Ferdinand, la reine Marie-Caroline vont s'installer en Sicile, à Palerme. En vérité, la mésentente entre le roi Nason, et comme le surnomme le peuple à cause de son grand nez, vous savez, et la reine Marie-Caroline, cette mésentente devient invivable. La souveraine décide d'aller séjourner chez sa fille à Vienne. Nous sommes là à l'automne 1800. Naturellement, Nelson l'escortera. Donc, Lady Hamilton va partir elle aussi. Et qui dit Lady Hamilton dit Sir William. Vous voyez tout le petit train, si je puis dire, qui s'en va. Le trio des inséparables va ainsi parcourir la moitié de l'Europe, de Vienne à Londres, en laissant derrière lui un parfum de scandale. Ce ménage à trois est devenu la fable de toutes les cours et de la plupart des villes. Évidemment, c'est à Londres que la situation est le plus mal acceptée, car il est peut-être temps que je le souligne, Nelson est marié. Et sa femme, la malheureuse Fanny, n'a pas démérité. Lord Minto écrit « Nelson ne semble pas se rendre compte du discrédit où il est tombé. Il est cependant difficile de jeter la pierre à un héros, car il est normal après tout qu'il soit devenu fou d'une femme assez forte pour faire tourner la tête de gens autrement avisés qu'un amiral. » Le scandale est d'autant plus fort que, sous ses robes amples à l'antique, Emma cache de plus en plus mal l'enfant qu'elle porte et dont on peut deviner le père, évidemment. Et loin d'en rougir, Nelson exulte. Ce que Lady Hamilton continue de bien cacher, en revanche, c'est le premier enfant qu'elle avait eu dans sa jeunesse. Dieu, que cette vie est compliquée tout de même. La reprise des opérations navales contre la France de Napoléon va obliger Nelson à se tenir loin de sa Lady adorée. Pendant son absence, Emma décore et prépare avec amour une jolie ferme dans le Devonshire que l'amiral vient d'acquérir pour lui plaire. Elle y traîne le pauvre Sir William qui, maugré en sourdine, on imagine que l'ambassadeur avait dû penser à autre chose pour sa retraite. Le vieil homme feint de ne pas remarquer l'accouchement de sa femme à Londres, chez lui. Il affecte la surdité pour ne pas trop remarquer les vagissements du nourrisson, une petite fille prénommée Horatia. Comme ça, tout est dit. Une petite fille que l'on évacue très vite vers le foyer d'une nourrice. Horatio, lui, depuis son navire, se déclare comblé. Jamais il n'aurait cru pouvoir connaître un tel amour. Seule ombre au tableau, les scènes de ménage répétées que Fanny Nelson, la femme de l'amiral, lui fait subir. « Je suis résolue, lui dit-elle, à vous forcer, lui écrit-elle en l'occurrence, à vous forcer de choisir entre elle et moi. » Ce sera donc la séparation. Autant dire la liberté de vivre enfin avec Emma, et d'autant plus que le pauvre Hamilton, de son côté, quitte ce monde en avril 1803, laissant le champ libre à son épouse qui ne s'affiche pas moins partout en veuve éplorée. Magnifique attitude. Seule mauvaise surprise, par une ultime pirouette qui ressemble quand même un peu à de la vengeance, Sir William a choisi pour légataire universel son neveu Gréville. Emma s'en moque. En vérité, elle ne vit plus que pour Nelson. Et un soir d'octobre 1805, elle reçoit la missive suivante. « Ma très chère bien-aimée Emma, l'ami adoré de mon cœur, les ennemis viennent de donner le signal qui doit faire sortir du port la flotte combinée. Puisse le dieu des batailles couronner mes efforts de succès à tout événement. Je peux faire en sorte que mon nom vous devienne encore plus cher, à vous et à Horatia, les deux êtres que j'aime plus que la vie. Et comme ma dernière lettre avant la bataille sera pour vous, j'ai l'espoir que je vivrai assez pour la finir après la bataille. Que le ciel vous bénisse, c'est la prière de votre Nelson. » La lettre suivante sera porteuse d'une double nouvelle. Premièrement, à Trafalgar, l'amiral Nelson a remporté une victoire historique. Deuxièmement, le héros du jour, touché au rein, n'y a pas survécu. Autour de Lady Hamilton, inutile de vous dire qu'à ce moment-là, c'est un monde qui s'écroule. Bonjour Evelyne Levert. Si j'en crois tous les messages qui sont parvenus au standard avant l'émission, vous êtes très attendue, non seulement sur Lady Hamilton, mais sur ce 18e siècle que vous connaissez si bien. Alors nous allons revenir sur la vie de Lady Hamilton, mais aussi sur les cours de l'époque, la cour d'Angleterre un peu, la cour de France à l'époque, et puis bien sûr cette cour de Naples qui n'en finit pas de tous nous faire rêver. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Au cœur de l'histoire, sur Europe 1, nous vous retrouvons, Franck Ferrand, avec votre invitée, Evelyne Levert, auteure du livre Le Crépuscule des Rois, chronique 1757-1789 aux éditions Fayard. Alors donc, Evelyne Levert, nous n'allons pas aujourd'hui pour une fois parler des rois de France et de Marie-Antoinette avec vous, même si Marie-Antoinette a croisé un petit moment le destin de Lady Hamilton. On n'en est même pas sûr, me disiez-vous. On n'en est pas sûr, mais oui. En tout cas, Lady Hamilton a joué un rôle important dans la vie de Marie-Caroline, la sœur favorite de Marie-Antoinette. Alors, ce qu'il faut dire pour en finir avec elle, si je puis dire, avant d'entrer dans tous les détails d'une existence tumultueuse, mais il faut que j'aille au bout de ce destin. Nous l'avons prise petite fille malheureuse dans le pays de Galles. Elle est devenue l'épouse de l'ambassadeur d'Angleterre à Naples. Elle est devenue la maîtresse du plus grand héros de l'époque après Napoléon, l'amiral Nelson en personne. Et puis, Nelson meurt et ce qui est terrible, c'est qu'elle ne va pas pouvoir hériter parce qu'il y a un des parents de Nelson qui s'arrange pour supprimer le codicille qu'il avait fait à son testament. Oui, c'est le frère de Nelson qui va hériter et puis l'épouse de Nelson a droit à une partie de son héritage et finalement il y a juste un reliquat qui subsiste pour leur fille, Horatia, qui n'a jamais été reconnue officiellement comme la fille de Nelson. Elle passe pour sa filleule. Et Emma n'a jamais voulu lui dire qu'elle était sa mère. Ça c'est terrible. Et c'est terrible. Mais Elle passe pour sa gouvernante. Auprès de sa propre marraine. Fille. Oui, c'est ça. Pour sa marraine. Et elle est très dure. Elle n'a pas du tout la fibre maternelle, Emma Hamilton. Alors, elle vit avec cette petite fille, et elle continue de mener grand train comme si elle avait des moyens. Ce qui veut dire qu'elle va s'endetter dans des proportions folles. Elle s'endette dans des proportions énormes. Alors, elle va, au fur et à mesure des années, parce qu'elle va durer encore 10 ans, elle va vendre tous ses biens, son argenterie, ses bijoux, ses tableaux, enfin, tout ce qu'elle peut avoir, et elle a quand même beaucoup de choses. Et elle devient alcoolique, elle devient énorme, puis après elle a des jaunisses qui se succèdent. En réalité, elle a une très grave cirrhose du foie et elle est aux abois. Elle a encore quelques amis, quelques protecteurs qui lui donnent quelques centaines de livres par-ci, par-là, mais ça ne comble pas ses dettes. Elle est poursuivie par une meute de créanciers. Puis un beau jour, on publie les lettres que Nelson lui a adressé. Alors, on n'a jamais su si c'était elle qui avait vendu ce trésor ou si on les lui avait plus ou moins volé. En tout cas, ça fait un tel scandale qu'elle franchit la Manche. Elle se réfugie à Calais. Alors, elle éduque bien sa fille Horatia, c'est-à-dire qu'elle lui donne des leçons d'anglais, de français, de maintien, de danse, de chant, et tout ce qu'on peut imaginer. Mais la jeune fille est très malheureuse et elle meurt dans le dénuement le plus complet. Elle a une cinquantaine d'années. Et elle était rue Française à Calais. Elle est enterrée à côté de Calais. Et son corps n'est jamais revenu en Angleterre malgré ses vœux. Alors, et toute la bonne colonie anglaise, parce qu'il y a des Anglais qui sont à Calais, s'inclineront devant sa dépouille. Et la petite Horatia ne vivra pas comme elle aurait dû vivre. Enfin, elle se mariera et elle a gardé de cette mère qui n'avait jamais voulu avouer sa mère un souvenir assez triste et la vie d'Horatia. Elle n'est pas jolie du tout, Horatia. C'est un comble, enfin vous savez. Elle tient de son père. Elle tient de son père parce que je ne crois pas que Nelson était le pin-up boy, le Latin lover ou l'English lover qu'on pouvait imaginer. Pauvre Lady Hamilton qui est morte comme ça, reléguée sur le continent, ce qui pour un Britannique est le comble. De ce côté-là, elle avait le cœur très large, elle était assez cosmopolite. Et c'est un de ses cousins. Il s'appelle Henry Cadogan, qui va venir pour payer les frais d'obsèques. Alors, on a une note. C'est la seule fois qu'il apparaît dans toute l'histoire de Lady Hamilton, oui, ce Henry. Elle ne le connaissait peut-être pas. Dépense pour l'enterrement de feu Lady Hamilton, payée par mois, donc Cadogan à Calais, France, janvier 1815. Un cercueil de chêne, dépense à l'église, prêtre, bougie, ensevelissement, veille et mise en bière, 28 livres sterling et 10 shillings. C'est ce qui s'appelle finir bien modestement quand on a été Lady Hamilton. Alors, justement, les grandes aventurières qui réussissent, eh bien, elles meurent, je dirais, en place. Et là, c'est la véritable aventurière parce que elle est morte, eh bien, dans ce dénuement. Elle est partie de très bas, montée très haut, et elle redescend très bas. Quand on dit qu'elle est partie de très bas, ça n'est pas seulement une légende. Hein. On n'a pas arrangé les choses. Ah non, ce que vous avez dit est tout à fait exact. Bon, elle a été dans une maison de prostitution. Oui, voilà. Enfin, elle a à 12 ans, elle est bonne d'enfant. Ensuite, elle a une chose importante, c'est qu'elle travaille dans un théâtre, à Drury Lane. Et dans ce théâtre, elle voit les comédiens et elle a déjà une certaine idée de l'attitude que doivent avoir les comédiens. Et de là, elle ira aussi dans l'atelier du peintre Romney. Donc, elle pose, elle comprend ce qu'elle pose. Puis, évidemment, tout le monde lui fait comprendre, elle s'en rendrait compte elle-même, que c'est une beauté exceptionnelle. Et quand elle est la maîtresse des John Baronet, il la fait monter sur une table et elle s'exhibe dans des peaux de bête devant tous ces messieurs et elle participe à la vie très polissonne de l'aristocratie anglaise. Mais ils sont tous fascinés par sa plastique. C'est vrai qu'on a les tableaux de Romney, notamment, etc., qui montrent cette femme d'une grande beauté, objectivement, qui restait d'ailleurs moderne. C'est ça. Très souvent, quand on nous parle de beauté d'autrefois, lorsqu'on voit les tableaux, on dit « Ah oui !» Mais là, non, on est tout à fait d'accord. Elle aurait pu être aujourd'hui une top modèle, disons bon. Mais il y a autre chose chez elle. C'est-à-dire, et je trouve que ça transparaît un peu dans les petits extraits de correspondance que j'ai pu lire tout à l'heure, il y a un véritable charme, une vie. Elle est sparkling, comme disent les Anglais. Elle est pétillante et étincelante, d'une certaine manière. Elle est étincelante et elle porte la vie. Elle porte la vie et elle a beaucoup de gaieté. Et alors, elle sait prendre toutes les expressions. Elle a des yeux, paraît-il, extraordinaires. Et elle passe de la tristesse à la gaieté. De la gaieté à l'horreur. Enfin, c'est un personnage qui peut jouer tous les personnages. Et c'est ce qu'elle va exploiter dans ses fameuses attitudes, parce qu'elle sera un mime fantastique. Est-ce qu'on peut dire que Gréville a été son Pygmalion et qu'il l'a forgé d'une certaine manière? Oui, alors elle a deux Pygmalions. Elle a d'abord Gréville, qui vraiment, alors là, il prend la petite pute, hein, on peut dire les choses comme elles sont, mais il comprend ce qu'est cette fille, ce qu'il peut en tirer, et il la fait éduquer, mais très sérieusement, elle est intelligente, et puis, finalement, elle se cultive, vous l'avez montré par les lettres que vous avez lues, elle commence à s'exprimer très bien, on lui apprend un bel anglais, enfin, c'est vraiment une réussite. Et puis, il l'initie à l'art aussi, car Gréville est un grand collectionneur, il collectionne les tableaux, et il y a un premier voyage de Lord Hamilton, qui à ce moment-là est marié encore, parce qu'il y a il y a une Lady Hamilton qui est une personne tout à fait intéressante. La première Lady Hamilton. La première Lady Hamilton, l'épouse. Et alors là, elle voit ce monsieur qui est beaucoup plus âgé qu'elle, il a 30 ans de plus qu'elle, elle l'appelle l'oncle Pline. L'oncle Pline, évidemment, allusion à Pline qui a raconté l'éruption du Vésuve, parce que Hamilton est un homme très intéressant. C'est un homme d'une grande culture, c'est un jouisseur. Et ce qui lui plaît, c'est la vie qu'il mène à Naples, une vie luxueuse. Et c'est un passionné d'antiquité. On va à Naples parce qu'il y a les fouilles d'Herculanum. Il y a tout le grand tour, n'est-ce pas? Tous ces jeunes aristocrates qui passent, qui font un tour d'Europe, s'arrêtent longuement à Naples pour voir cette ville extraordinaire où l'antiquité est présente, où il y a l'opéra de San Carlo et aussi Alors, Hamilton est passionné par le Vésuve. Il a fait 50 fois l'ascension du Vésuve. Oui, il est vulcanologue avant l'heure. On dit que c'est un sportman. Il est maigre, il est sec, il est bronzé, ce qui n'est pas du tout l'habitude. Mais lui, il observe tout ça, le présent, le futur et ce volcan qui gronde. C'est un personnage à la fois d'une culture immense et aussi il a sa forme de poésie. Alors, évidemment, il la trouve très belle, mais il retourne auprès de son épouse. Mais son épouse va mourir. Et ça il revient. Ça tombe bien pour Gréville et pour Emma, bien entendu. Oui, parce que là, il va y avoir. Alors, il y a entre l'oncle et le neveu, il y a la même passion pour l'art et pour l'antiquité. Et là, comme on a une statue antique vivante, et bien, elle part. C'est Gréville qui l'envoie et en lui laissant croire qu'il va la rejoindre. Et bon, Emma, elle sait qu'elle est inépousable. Et elle pense que Greville Hornier. Et alors, si elle a aimé un homme, moi je pense beaucoup plus que Nelson, c'est Greville. Ah oui. Parce que c'est son amour de jeunesse. Greville est jeune, il est beau, il est libertin. Ils ont eu des expériences sexuelles, à mon avis, assez intéressantes. Il l'a sorti de la misère et elle est follement éprise de Greville. Et ça sera, je crois, son grand amour beaucoup plus que Nelson. Ça peut vous étonner, mais moi, je le ressens comme ça. C'est un ressenti personnel. Non seulement la laisse-t-il partir, mais l'envoie-t-il à Naples, alors? Alors, il l'envoie à Naples, justement, parce que Hamilton est veuf, et Hamilton étant veuf, il ne pourra pas épouser Emma, et il veut l'héritage de son oncle. Donc, il lui envoie... C'est bien un sordide marché, quand même, cette affaire. Oui, mais enfin, c'est très habituel. C'est très cynique, mais je dirais que ça n'a strictement aucune importance, parce que qu'est-ce qu'est Emma pour ces hommes-là? C'est une marchandise dont on jouit, puis c'est tout. Alors, Emma s'en va à Naples, et puis il se dit comme ça qu'il héritera, parce que lui, Greville, il faut qu'il se marie. Et qu'il se marie, évidemment, dans son milieu. Il va pas épouser Emma, puis d'ailleurs, il ne l'aime pas. C'est ça. Mais elle l'aime. Bon. Et alors, elle va trouver auprès d'Hamilton, tout d'abord, un homme extrêmement courtois à son égard, qui ne la traite pas un peu comme une prostituée de luxe, parce que Greville l'avait traitée comme une prostituée de luxe. Finalement, ce Lord Hamilton avait des idées très avancées. Il est très libre et il ne va pas essayer tout de suite d'en faire sa maîtresse. Il se conduit d'abord comme une sorte de père avec elle. C'est un ami dévoué. Et puis, il la présente quand même à la bonne société de Naples. Parce que Naples est un... Alors, il faut dire que Naples, c'est quand même très particulier. Ça ne ressemble pas à la cour d'Angleterre. Ce milieu napolitain, nous allons le découvrir en votre compagnie, Evelyne Levert, dans un instant. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. C'était la bande originale du film Lady Hamilton sur Europe 1, musique composée par Miklos Rosa. Au cœur de l'histoire continue sur Europe 1, nous sommes avec vous, Franck Ferrand, et votre invitée, l'historienne Evelyne Levert. Et oui, Lady Hamilton a inspiré les auteurs de théâtre, les réalisateurs de cinéma. Il y a ce film donc de 1941 d'Alexander Korda. Ça, c'est un film américain. Il y a un film français aussi, me disiez-vous. Oui, et alors là, c'était Vivien Leigh qui jouait Lady Hamilton et Laurence Olivier qui faisait Nelson. Alors là, vraiment, c'était un très beau Nelson qui n'avait rien à voir physiquement avec la réalité. Puis il y en a un autre, film où Michel Mercier trouve être Lady Hamilton. C'est un film de Christian Jacques, je crois, de la fin des années 50, sans doute, quelque chose comme ça. Alors, cette Lady Hamilton va découvrir ce que c'est que la cour de Naples. Et nous, par la même occasion, Evelyne Levert. Alors, la cour de Naples, moi, je ris en pensant à la cour de Naples, parce que c'est la cour la plus déjantée d'Europe. Le couple royal est extraordinaire. On a un roi qui est Ferdinand IV, qui est le frère du roi d'Espagne. Ferdinand IV est surnommé Il Re Nasone, parce que son nez est véritablement un promontoire. C'est un homme qui est absolument pas cultivé, qui n'a pas d'idées politiques, et on l'appelle aussi Il Re Lazzarone, parce que il est au mieux avec les Lazzaroni de la ville. Les voleurs. Et tous les disoccupati de Naples. Et lui, il va lui-même pêcher et vendre son poisson sur le marché. Il est très populaire. C'est un être très... Un roi dont on dirait aujourd'hui, avec ce glissement de sens, très démocrate. En tout cas, il est très démagogue. Enfin, là, ce n'est pas normal, je dirais. Bon. Alors, cet homme qui est profondément vulgaire. Il faut lire les lettres de Joseph II, son beau-frère, lorsqu'il est allé à Naples, l'empereur d'Autriche. Et là, les lettres de Joseph II sont extraordinaires. Et il a pour épouse, alors la sœur de Marie, la fille de Marie-Thérèse, l'impératrice, la sœur de Marie-Antoinette, et évidemment la sœur de Joseph II, l'empereur, la sœur du futur empereur Léopold. Donc Marie-Caroline. Marie-Caroline. Alors Marie-Caroline est une femme intelligente qui est arrivée là et qui a vraiment exécuter les volontés de l'Autriche, c'est-à-dire s'emparer de son mari pour gouverner à sa place. Et ça s'est passé comme ça. Alors de temps en temps, le malheureux Nason écrit à son père, à son frère, le roi d'Espagne. Il lui écrit « Ma femme est infernale » et elle reprend ses lettres et elle lui dit « Ton père ou ton frère a une araignée au plafond. » Enfin, on n'imagine pas ce qu'est ce couple. Ils se battent de temps en temps. Physiquement, ils se battent. Alors, il lui donne, excusez-moi, mais véritablement des raclées. Elle le gifle et puis après, elle s'enferme dans ses appartements. Mais il est très amoureux d'elle. Enfin, il veut absolument faire l'amour avec elle. Alors, une fois qu'il est venu à récipiscence, eh bien, elle lui ouvre sa porte et elle lui laisse prendre pour maîtresse. Ce sont des paysanne tout à fait ordinaire. C'est une cour, je vous dis, très particulière. Alors le roi comprend déjà mieux lorsque vous avez brossé ce portrait des deux rois et reines, on comprend déjà mieux comment notre chère Emma a pu faire sa place dans ce milieu-là. C'était beaucoup plus facile qu'à la cour d'Autriche. À Vienne, elle n'aurait jamais pu. Bon, et en France non plus. Enfin, c'était absolument impossible. Et Emma se conduit, elle, très très bien. Et elle accompagne donc Lord Hamilton partout. Alors Lord Hamilton a ce palais merveilleux à Naples dont il ne reste plus rien, le palais Cessa, la villa Emma qui est une villa sublime, et puis comme la quand cour... on dit sublime, il faut être allé à Naples pour saisir le degré de ravissement, c'est-à-dire que c'est l'harmonie totale, le paysage, le climat, les lumières, les couleurs, les volumes. Tout est sublime, mais attention, le luxe et le côté sublime côtoient le sordide. Ah oui, il y a aussi cette misère. Toujours ça à Naples, et c'est ce que disent d'ailleurs les voyageurs qui viennent. Et ce que je vous ai dit sur la cour de Naples, excusez-moi, je fais une incise, je ne l'invente pas. Non. Je raconte ce que dit par exemple l'empereur Joseph et d'autres qui sont tout à fait... C'est très intéressant parce que Joseph, le frère de Marie-Antoinette et de Marie-Caroline, a fait le tour des cours, il est allé voir ses sœurs et aussi bien sur Versailles que sur Naples, il nous décrit ce qu'il a vu. C'est très très précieux, ça, bien entendu. Il le dit pour sa mère, extrêmement précieux. Oui. Et alors, la cour de Naples se déplace dans l'énorme palais de Caserte, parce que il y a des chasses fantastiques. Et Lord Hamilton chasse avec Nason. Il chasse avec le roi. Ce sont des chasses, fantastiques aussi, parce que on tue, mais des monceaux de bêtes. Et Emma attend sagement Hamilton dans leur villa qui est à côté de Caserte. Enfin, donc, une vie absolument luxueuse et elle se conduit tellement bien que finalement Hamilton pense qu'il peut l'épouser et elle accepte d'épouser cet homme qu'elle estime, qu'elle admire, mais qu'elle dit aimer, mais qu'elle n'aime certainement pas. Oui, qu'elle aime d'une certaine façon, peut-être. Elle a vécu quand même très chastement pendant quelques années. Ça l'a peut-être reposée. Elle est devenue Lady Hamilton, elle est ambassadrice de sa gracieuse majesté. Oui. Elle a un véritable rang, un statut. Alors, qu'elle ait ou non croisé aux Tuileries Marie-Antoinette, toujours est-il que lorsqu'elle revient de Londres et de Paris à Naples, elle a tout à fait le rang et le statut pour faire partie de l'entourage de la reine. Et alors la reine, alors je ne vais pas dire tombe amoureuse d'elle, mais la reine... Un peu quand même. Un peu quand même, parce qu'on a dit qu'elle, de toute façon, elles prennent leur bain ensemble, et même il paraît qu'elles partagent leur lit. Enfin, on en sait rien, la reine a des amants, la reine a été 17 fois enceinte, la reine a une vie, je dirais, bien remplie. Et Lady Hamilton devient sa confidente. Et vous savez, c'est toujours la même chose avec les personnes royales. Il faut les amuser. la distraire. La distraire, et elle est beaucoup plus distrayante que la princesse Belmonte ou que les aristocrates de Naples qui ont des petites aventures, parce que il paraît que ces femmes mènent une vie beaucoup plus libre encore que dans d'autres cours. Donc il y a des liens qui se tissent et qui deviennent vraiment des liens affectueux. Et pour elle, c'est extraordinaire, parce que c'est cette petite fille de forgeron qui devient l'amie de la reine de Naples, qui naît archiduchesse d'Autriche. Alors, tout ça remplace l'amour pour Emma. Ça comble largement sa vie. Et là-dessus débarquent ces troubles fêtes de l'Europe que sont les soldats de la République française. Oui. Alors, ce qui rapproche Emma de Marie-Caroline, c'est que elle prend en horreur la Révolution française. Marie-Caroline est très choquée de voir la Révolution se développer, et elle ne se remettra jamais de la mort de sa sœur Marie-Antoinette. Alors peut-être que Emma lui avait apporté une lettre de Marie-Antoinette lorsqu'elle était passée par Paris au mois de septembre 91, au moment où Louis XVI venait d'accepter la Constitution. C'est possible, on n'en sait rien. Mais en tout cas, elle a compris que Emma épousait ses idées. D'ailleurs, Emma aura eu tort de ne pas épouser les idées de la reine, parce que sinon, ça aurait été, je dirais, une sorte de répudiation. Oui, donc, elles sont extrêmement liées. Alors, au moment où la cour est obligée d'aller s'installer en Sicile, ça se passe de plus en plus mal entre Nasone et son épouse, et finalement, tout le monde s'en va sur le continent, et il y a cette espèce de ménage à trois qui va faire le tour de l'Europe à côté de la reine. On pourrait presque parler d'un ménage à quatre, d'ailleurs, à l'extrême limite. Il y a donc Horatio Nelson, il y a bien entendu Lord Hamilton, et l'épouse de Lord Hamilton, et puis la reine qui est là quand même. La reine est là quand même. Alors bon, mais en tout cas, c'est surtout le ménage à trois. Donc la reine s'en va pour Vienne, mais... et Hamilton, quand même, son histoire a fait mauvais effet. Lorsqu'il rentre en Angleterre, c'est un homme fini. Mais il est très lié aussi avec Nelson. Il adore Nelson. Nelson est son meilleur ami, et il ne veut pas voir. Il ferme les yeux sur la passion qui s'est emparée Alors, je crois personnellement que lorsque elle a rencontré Nelson, si j'ose dire, elle s'est lâchée. Elle est revenue. Tout ce qu'il y avait de vulgaire en elle a réapparu. Nelson n'est pas de haute naissance comme Hamilton. Enfin, il est quand même de bien plus haute naissance que Emma. Mais seulement, c'est un homme de, bien qu'il soit sur la mer, je vais dire une idiotie, c'est un homme de terrain. Il est terre à terre. Et elle aussi, elle a quelque chose. Et avec lui, alors elle commence à mener une vie qui ne ressemble pas à une vie de débauche. Mais par exemple, je pourrais dire que, excusez-moi pour ce que je vais dire, ils baffrent ensemble. Oui, et oui. Il y a des festins, mais ils mangent et ils boivent tous les deux. C'est là qu'elle devient énorme. Et Nelson se rend compte d'une certaine déchéance. Il en est conscient. Il y a des lettres de Mais Nelson. Elle le fascine peut-être pour ça elle aussi. Elle le fascine. Et puis, il est fou d'elle. Puis, je pense qu'elle a des talents extraordinaires au lit. Mais comment peut-elle être amoureuse d'un homme qui n'a plus qu'un bras, qui n'a plus qu'un œil et qui n'a plus de dents? Bon, c'est possible, mais qui est le héros de toute une partie de l'Europe. Ça joue un rôle, sans doute. Le héros de l'Angleterre. Le héros de l'Angleterre, mais elle a eu... elle est montée si haut socialement d'un côté, et là, elle est la maîtresse du héros. Donc, il y a les deux choses qui jouent. Et en même temps, tous ces raffinements que lui avait apporté Lord Hamilton et avant lui Greville, toute cette volonté de la polisser, de la rendre beaucoup plus présentable, etc., de l'élever, tout ça va réussi. Se désagréger peu oui, à peu. Ça se désagrège. Et ça se désagrège tôt, ça se désagrège à partir du moment où elle rencontre Nelson. Oui. Et là, elle se laisse complètement aller, dans tous les sens du terme. Et comme on est dans une période extrêmement confuse sur le plan politique, alors ça devient plus facile, étant donné tous les événements révolutionnaires qui se passent aussi bien à Naples et en Sicile, mais surtout à Naples, on est dans un tel état de déliquescence que, disons, que ça passe beaucoup plus facilement. Nous avons parlé du théâtre, des films, etc. On m'en voudrait de ne pas citer évidemment Lady Hamilton ou Souvenir d'une favorite d'Alexandre Dumas. Oui. C'est du Dumas. C'est du Dumas, hein, mais c'est du Dumas. Il avait trouvé un modèle à sa taille. Oui. Oui. Et puis bien sûr, donc cette biographie Beloved Emma, The Life of Emma Lady Hamilton de Flora Fraser, qui donc j'ai dit que c'était pas traduit, mais si. Non, c'est autre chose. Ah, pardon. C'est un autre. Alors ouvrage. Anne et Alain Ponce, Lady Hamilton, L'amour sous le volcan, c'est une biographie également qui est parue là chez J'ai lu en l'occurrence là, en édition de poche. Et puis il y avait eu un magnifique livre de Suzanne Sontag qui s'appelait oui. L'amant du volcan. Magnifique, exactement. Merci beaucoup Evelyne Levert, vous nous avez fait rêver pour commencer la semaine. On vous retrouve dans un instant, Franck. Vous répondrez à la question de Cédric sur les origines de Marianne, l'allégorie de notre République. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et nous vous retrouvons, Franck. Vous répondez à la question de Cédric sur les origines de Marianne, l'allégorie de notre République. Alors, évidemment, l'allégorie elle-même, elle existe depuis la République. Hein. C'est dès la Révolution qu'on voit cette femme, symbole de liberté, cette figure qui porte, cette figure féminine, hein, qui semble venir de Libertas, la déesse romaine de la liberté. D'ailleurs, l'inspiration est directe et volontaire, qui porte ce bonnet phrygien, etc., qui est le bonnet, vous savez, que portaient dans l'Antiquité les esclaves affranchi. Bon, tout ça est évident, mais pourquoi Marianne ? Les prénoms de Marie et Anne, qui sont ceux de la Vierge et de sa mère, étaient évidemment très répandus au XVIIIe siècle. Disons même que c'était les prénoms les plus répandus. Regardez, d'ailleurs, on parlait des reines, hein, les dernières reines de France, Marie-Antoinette, Marie-Leginska, Marie-Thérèse, Anne d'Autriche avant la mère de Louis XIV, etc. Bien, ça, c'est... Et dans les campagnes, ce sont des prénoms très répandus. Et c'est en octobre 1792, c'est-à-dire quelques semaines après la naissance de la République, qu'on voit le prénom Marianne associé à cette figure de liberté dans une chanson occitane de Guillaume Lafabre qui s'appelle « La guérison de Marianne ». Et aussitôt, les révolutionnaires vont s'en emparer, mais aussi les contre-révolutionnaires. Ça, c'est intéressant parce que Marianne, en un seul mot, à l'époque, c'était considéré comme vulgaire. C'était comme certains prénoms américains d'aujourd'hui qui sont un peu difficiles à porter. Suivez mon regard, moi qui m'appelle Franck. C'était considéré comme un prénom non noble, en quelque sorte. Et donc, ça a accentuer les origines fortement populaires de cette République qui, en quelque sorte, s'assumait à travers la figure de Marianne. Alors, il y aurait beaucoup à vous dire sur la représentation de Marianne au 19e et au 20e siècle, mais je crois que pour aujourd'hui, je n'aurai pas le temps.